dors pas la nuit, je compte tous les moutons. Si tu le sens pas, pas, je compte sur toi. À mon étage, les gens plus rien à faire ici. Faut que je vive à toi, tu vois, je veux dire.